était sincère. J'apprends mes erreurs, je l'espère. Je construis peu à peu, je l'espère. On m'a dit la nuit pour tout conseil, mais je me réveille. Gardez vos avis, je vous le conseille. Merci quand même. Souvent je me dis, ça sera jamais pire que la veille. Pire que la veille. Un ciel sans lune, je serai ton guide. Pour amortir le sort, faut s'attendre au pire. Je n'ai plus de voix, donc je ferai des mimes. On m'a dit la nuit pour ton conseil.